Dans le Nouveau Testament, quatre amis de Jésus racontent sa vie, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qui lui est arrivé, ce qu'il a enseigné, qui il est. Ces quatre amis sont les évangélistes. On leur donne ce nom parce qu'ils ont écrit la bonne nouvelle de Jésus, l'Évangile. Ils s'appellent Matthieu, Marc, Luc et Jean. Grâce à eux, aujourd'hui encore, sur toute la terre, les enfants, les femmes, les hommes peuvent apprendre à connaître Jésus. Pas seulement l'histoire de Jésus, mais Jésus qui est vivant et ressuscité, présent à nos côtés, si nous voulons bien lui faire une place dans notre cœur, dans nos vies. L'évangéliste Matthieu raconte que Jésus a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée après son ascension dans le ciel, 40 jours après sa résurrection. 10 jours plus tard, les apôtres s'enferment dans une maison car ils ont peur depuis que Jésus n'est plus là. Ils reçoivent l'Esprit Saint, la force de Dieu. Ils sortent de la maison et ils se mettent à proclamer la bonne nouvelle de Jésus. C'est la fête de la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Quelle joie pour eux de partir dans le monde et de proclamer que Jésus est le Seigneur, le Sauveur.